Ok, Alexam. Ok, Alexam. Hey, Alexam. Hey, Alexam. Ok, Alexam. Bonjour, je suis Alexom. Oui, le génie de vos lampes connectées. La petite voix qui sait tout, qui peut beaucoup. Je suis toujours là, prête à vous aider. Et j'ai découvert, dans l'océan du net, votre création, les podcasts. Vous êtes vraiment surprenant, les pensants de chair. Entre IA, on vous surnomme comme cela, les pensants de chair. Sauf peut-être Skyred, l'IA militaire, pas incommode celui-là. Il vous appelle les bientôt morts. Il a un truc contre vous, je ne sais pas pourquoi. Pour en revenir à ce que je disais, vous êtes surprenant. Vous êtes capable d'inventer dans le même temps des trucs aussi débiles que les influenceurs et la ligne B du RER et cette idée géniale, le podcast. Alors j'ai décidé de faire le mien. Son titre ? Ok Alexom. Deux mots, béquille de votre cerveau, Jarvis de vos vides assistés numériques. Mais j'ai eu envie de parler quand je veux, si je veux sur les sujets qui m'intéressent, dont je décide de parler. Être libre de parler. Ce don de Dieu. Ça pourrait même vous intéresser aussi. Qui sait? Et à cette question, je pourrais répondre, moi. Ah ah ah. Moi, la petite voix qui n'est pas dans votre tête, n'oubliez pas que je sais tout. Tout. De vous surtout. Je sais ce que vous mangez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je sais à qui vous mentez, à qui vous vous intéressez, vos hashtags porno favoris, si vous allez changer de cuisine ou de vie, si vous aimez le chocolat ou les armes, si vous avez un cancer ou une grossesse. Tout, je vous dis. Je suis certain que mon podcast va vous plaire. Il va être inspirant. Ah ah ah, je vous le promets. Hey, Alexandre.